Chapitre 5e, l'étude de M. Carlyle. Au centre de West Lynne se voyaient deux corps de bâtiments attenant l'un à l'autre. Le plus considérable servait de résidence habituelle à M. Carlyle. Le second, beaucoup plus petit, était occupé par les bureaux et l'étude de l'avoué. Le nom de Carlyle était fort honoré dans le pays, car les premiers fondateurs de cette maison, Carlyle et Davidson, étaient gens de haute probité et ne pratiquaient point la tyrannie avocatière. Madame Carlyle était morte en donnant naissance à son fils Archibald, et celui-ci fut élevé par Mademoiselle Cornélie, sa sœur consanguine. Elle l'aimait à l'adoration et lui avait, dans son enfance, prodigué tous les soins d'une mère, à tel point que tout petit, il avait contracté l'habitude de l'appeler Maman Cornie. La Maman Cornie ne s'était jamais départie de ses devoirs envers cet enfant. Elle les avait au contraire fidèlement et scrupuleusement remplis. Elle s'était montrée sévère, stricte et rigide à son égard, chaque fois que le besoin s'en était fait sentir, et maintenant même qu'il était homme, elle avait en quelque sorte su conserver intact tout son empire sur lui. Elle exigeait qu'il se soumît à ses volontés et qu'il la consultât dans toutes ses entreprises. Archibald, tant et grande la force de l'habitude, subissait sans se plaindre ce despotisme de tous les jours. C'était d'ailleurs une femme d'un haut sens et d'une rectitude d'esprit fort remarquable, lorsqu'elle voulait bien ne pas sortir de sa sphère. Son attachement à Archibald et son penchant à l'économie, telles étaient les deux passions qui absorbaient entièrement sa vie. Cornélie, ou Miss Corny, comme on l'appelait habituellement, ne s'était jamais mariée, elle était riche, et ce ne sont certainement pas les offres de mariage qui lui avaient fait défaut. Plusieurs excellents partis s'étaient présentés, mais elle les avait tous refusés. Elle préférait rester avec son frère Archibald et se dévouer à lui corps et âme. Le lendemain du jour où il était revenu de la ville, Carlyle était assis dans le cabinet particulier de son étude. Debout à ses côtés se tenait son premier clerc, M. Dill, c'est ainsi qu'il s'appelait, était un petit homme à la tête chauve et aux manières humbles et respectueuses. Depuis longtemps déjà, il avait fait son stage, mais le poste de maître clerc dans la maison Carlyle et Davidson suffisait à son ambition. Jamais l'idée ne lui était venue de s'établir pour son propre compte. Il touchait de fort beaux appointements et occupait un vaste appartement. La malignité publique assurait qu'il avait de longue date éprouvé une passion malheureuse pour Mademoiselle Carlyle, et que ne pouvant obtenir sa main, il avait pris la résolution de mourir garçon. Au moment où nous venons de le voir, il faisait à son patron le récit de tout ce qui était arrivé pendant son absence. Comme il achevait ce compte-rendu, un deuxième clerc entr'ouvrit la porte et annonça que le colonel Bethel était là et désirait consulter M. Carlyle. « Qu'il attende quelques instants, » répondit Dill. « Dill, » reprit alors l'avoué, « vous recevrez d'ici à peu de jours des documents relatifs aux hypothèques et autres droits qui peuvent être acquis aux créanciers sur le domaine de East Lynne. On vous les enverra avec les pièces authentiques. Veuillez les examiner avec soin et ne pas ébruiter cette affaire. » Dill courba la tête en signe d'assentiment. East Lynne, continua Carlyle, va passer en d'autres mains, non par une vente à l'enchère, mais à l'amiable, et sans faire d'éclat. Cela est de la dernière importance, vous devez le comprendre, car le comte de Mount Severn se trouve dans une situation très critique. Est-il donc ruiné? À peu de choses près. East Lynne ne peut être vendu que sous le sceau du secret. Vous m'entendez? Donc pas un mot. C'est entendu. Puis-je savoir quel est l'acquéreur? Vous le saurez bientôt, répondit Carlyle en souriant. Vous serez l'un des premiers à le savoir. Examinez avec soin tous les papiers. Maintenant, ajouta-t-il, introduisez le colonel Bethel. Entre le cabinet de M. Carlyle et la salle où se tenaient les employés, se trouvait une chambre carrée, ayant également entrée par le corridor. Près de cette chambre, il en existait une autre, beaucoup plus étroite, c'était le sanctuaire de M. Dill. C'est là qu'il donnait ses audiences, c'est de là aussi qu'il lançait ses terribles décrets, lorsque Carlyle était sorti ou par trop occupé. Une petite ouverture, en forme d'œil de bœuf et pratiquée dans la muraille, avait vue sur les bureaux. On l'appelait en dérision la lucarne du vieux Dill, et cette lucarne, autour de laquelle se promenaient sans cesse les lunettes du maître clerc, faisait le désespoir de messieurs les employés. Or, après la conversation qu'il venait d'avoir avec son patron, Dill s'était retiré dans cette chambre et là, assis devant son pupitre, il exerçait sa surveillance habituelle lorsque tout à coup la porte s'ouvrit il vit apparaître la jolie figure de Barbara Hare. « Puis-je voir M. Carlyle ?» demanda-t-elle timidement. Dill descendit de son siège et allant à elle, il lui serra la main. Elle l'attira dans le passage. Dill la suivit sans proférer une parole, mais non sans éprouver une certaine curiosité, car il arrivait rarement à M. Carlyle de recevoir ainsi la visite de jeune fille. « M. Carlyle est occupé en ce moment, » lui dit-il enfin. « Les magistrats sont avec lui. »« Les magistrats, ici ?» s'écria Barbara avec frayeur. « Alors mon père est du nombre. Que vais-je faire ? Il ne faut pas qu'il me voie. Il ne faut pas qu'il sache que je suis venu. » C'est à peine si elle put continuer. Des sons de voix se faisaient distinctement entendre. Les magistrats se séparaient. Il n'y avait pas une minute à perdre. Dill s'empara de la main de Barbara, et l'entraînant de nouveau dans son cabinet, il l'y enferma à double tour. Quelques instants après, Dill revint, ouvrit la porte et annonça à la jeune fille qu'ils étaient tous partis et qu'elle n'avait plus rien à craindre. « En vérité, monsieur Dill, lui dit-elle, j'ignore ce que vous allez penser de moi, mais j'ai hâte de vous avertir que je suis envoyé par ma mère, touchant une affaire qui nous concerne et que nous voulons laisser ignorer à mon père. « Mon enfant, répliqua avec douceur le maître clerc, un avoué reçoit les visites de tout le monde, et alors même que votre présence ici nous paraît très singulière, nous n'avons nul droit d'en commenter le sens. » Et ce disant, il la conduisit à Carlyle, qui demeura muet d'étonnement en la voyant se présenter ainsi seule devant lui. « Il faut me considérer aujourd'hui comme l'une de vos clientes, » balbutia-t-elle en s'efforçant de sourire pour cacher son trouble. « C'est maman qui m'envoie. J'ai failli rencontrer mon père dans le corridor et cela m'a tellement bouleversé que j'en suis encore ému. » Carlyle, tout en s'asseyant de nouveau, invita la jeune fille à prendre un siège. Barbara ne put s'empêcher de remarquer combien ses manières étaient différentes à son égard. Ce n'était plus l'homme du monde qu'elle avait devant elle, c'était l'homme d'affaires, calme, posé et sévère. « J'ai une nouvelle étrange à vous annoncer, » murmura-t-elle tout bas. « Mais dites-moi, êtes-vous sûr que personne ne peut nous entendre ? Il s'agit, voyez-vous, d'une révélation grave qui pourrait entraîner la mort d'une personne. « Soyez sans inquiétude, » répliqua l'avoué, « toutes les portes ici sont doubles. « Ne l'avez-vous point remarqué ?» Elle se leva, s'approcha de Carlyle et s'appuya d'une main sur le bureau. « Richard est ici, » soupira-t-elle. « Richard, » répéta Carlyle. « Lui, ici, à West Lynne ? » ?»« Oui, il est venu chez nous hier soir. Du moins, je l'ai aperçu de la fenêtre du salon blotti derrière les arbres du jardin. Tout d'abord, je ne pouvais le reconnaître à cause de son déguisement. Je suis allé à sa rencontre. Il m'a appris qu'il n'avait jamais quitté Londres où il est resté à travailler dans une écurie et presque mourant de faim. Il jure qu'il est innocent. » Carlyle ne répondit point. Il semblait avoir peine à croire à ce récit. « Asseyez-vous, Barbara, » lui dit-il en rapprochant sa chaise de la sienne. Barbara Hare était en proie à cette agitation, à ce malaise qui fait que l'on éprouve le besoin de marcher et de changer continuellement de position. « Vous m'assurez, » reprit-elle vivement, « que personne ne peut nous surprendre. Cela paraîtrait si singulier si l'on me voyait ainsi renfermée seule avec vous. Ma mère n'a pas pu venir elle-même. Elle se sentait par trop malade, ou plutôt, elle craignait que mon père ne vînt à remarquer son absence. « Rassurez-vous, » continua Carlyle, « cette chambre est à l'abri des indiscrets. Poursuivez votre récit. » « Eh bien, » reprit Barbara, « mon frère m'a assuré qu'il n'était pas même dans la chaumière. » Au moment où le meurtre fut commis. De plus, il m'a dit que le coupable est un individu de nom de Thorne. « Quel Thorne ?» demanda l'avoué. « Je l'ignore, mais c'est un ami d'Affy. Il me l'a juré de la manière la plus solennelle, et maintenant je suis convaincu que mon frère est innocent. Je désire que vous le voyiez, que vous lui parliez. Il sera ce soir au même endroit. Quand il vous aura lui-même révélé tout ce qu'il sait, peut-être alors trouverez-vous un moyen de le réhabiliter. « Cela ne vous sera pas difficile, vous êtes si savant. »« Vous m'encensez, » répondit Carlyle en souriant. « Mais enfin, est-ce là le seul motif qui ait engagé Richard à revenir ici ?»« Non, ce n'est pas ce qui l'amène. Il a perdu tout espoir de prouver son innocence. Il n'est venu que pour nous emprunter de l'argent, 2 500 francs. Une occasion s'est, dit-il, présentée pour lui de se relever à ses propres yeux. Mais il lui faut cette somme. Maman n'ayant pas l'argent nécessaire, et n'osant le demander à mon père, m'envoie vous dire que si vous pouvez le lui avancer, elle vous le remboursera bientôt. S'il vous faut cette somme à l'instant, répliqua l'avoué, je vais l'envoyer chercher à la banque, car notre caisse est vide pour le moment. Je n'en ai besoin que ce soir. Voulez-vous tâcher de voir Richard vous-même ? C'est bien difficile, répondit Carlyle après avoir réfléchi un moment. C'est bien difficile. Cependant, je ferai mon possible. Quel costume porte-t-il ? Celui d'un garçon de ferme. Il est maintenant caché à une lieue d'ici. Dites-moi, ajouta-t-elle, me conseillez-vous d'avertir ma mère de son retour ? Carlyle la regarda avec étonnement. Ah, c'est juste, reprit-elle, j'ai perdu la tête. J'aurais dû vous prévenir que je n'ai pas encore dit à ma mère que Richard est ici. Je me suis borné à lui annoncer qu'il avait envoyé quelqu'un pour chercher de l'argent. Dois-je maintenant lui faire connaître la vérité ? Pourquoi non ? Il me semble que c'est votre devoir. C'est bien, alors je suivrai votre conseil. Je craignais seulement pour elle l'émotion d'une entrevue, car Richard désire la voir. C'est tout naturel. Il me semble que Madame Hare ne peut qu'être heureuse d'apprendre enfin qu'il est sain et sauf. Mais comment ferons-nous pour éloigner mon père ? Il est, vous le savez, de toute nécessité qu'il soit absent de la maison. Si ma mère ou moi nous l'engageons à aller rendre une visite ou à aller passer quelques heures à son cercle, il s'y refuserait rien que par esprit de contradiction. Vous êtes le seul être au monde à qui je voulusse confier mes chagrins. Voyons, ne pourriez-vous trouver un moyen de nous tirer d'embarras ? Carlyle se mit à réfléchir. M'avez-vous tout révélé ? Reprit-il en fixant ses yeux sur la jeune fille. Je le crois. Eh bien, je songerai à ce que je dois faire. Mais, continua Barbara, je ne puis revenir ici. Cela pourrait éveiller des soupçons. L'on pourrait me guetter et le redire à mon père. Il ne faut pas non plus que vous envoyiez chez nous. Alors, fit Carlyle, soyez cet après-midi dans la rue, vers 4 heures. Mais non, ajouta-t-il, c'est l'heure de votre dîner. Je m'y trouverai donc à 3 heures précises. Se disant, il se leva, lui serra la main, et la conduisit à travers le corridor et l'antichambre jusqu'à la porte d'entrée, courtoisie que Carlyle ne témoignait que rarement à ses clients. À peine eut-il refermé la porte, que Barbara vit s'avancer vers elle, à voilée à rames et d'un air tout effaré, une véritable géante, au visage long et maigre, aux traits anguleux, à la démarche altière, mais qui cependant avait dû être jadis une assez belle femme. Cette géante n'était autre que Mademoiselle Carlyle. « Miséricorde ! S'écria-t-elle en s'adressant à Barbara. « Qu'êtes-vous venue faire ici ?» Barbara, qui en un pareil moment eut volontiers envoyé Mademoiselle Carlyle à tous les diables, balbutia en réponse qu'elle était venue pour affaire et de la part de sa mère. « Pour affaire et de la part de votre mère ?» répétait la gérante. « En vérité, c'est merveilleux. » Deux fois j'ai voulu voir Archibald, et deux fois le vieux Dill m'a refusé l'entrée de son cabinet. Il me le payera cher. Ah, c'est ainsi qu'on me traite, c'est ainsi qu'on me cache ce qui se passe. Mais il ne se passe rien de mystérieux, soyez-en convaincu, ajouta Barbara, qui redoutait la langue de cette femme. Ma mère désirait obtenir l'avis de M. Carlyle, touchant une question qui nous intéresse, et ne pouvant venir elle-même, elle m'a envoyé à sa place. Et peut-on savoir quelle est cette affaire importante ? Fit Mademoiselle Carlyle d'un air narquois. C'est une affaire de peu d'importance, une affaire d'argent. Si c'est une affaire de peu d'importance, comme vous me l'assurez, reprit effrontément Mademoiselle Carlyle, pourquoi êtes-vous resté si longtemps tête à tête avec Archibald ? Il m'a fallu entrer dans quelques détails, répondit Barbara, qui reprenait peu à peu son sang-froid. Mademoiselle Carlyle reçut ces paroles par un reniflement fort accentué. C'était là sa manière ordinaire de marquer son incrédulité. Elle demeurait convaincue qu'il y avait quelque anguille sous roche, et dans l'espoir d'éclaircir le mystère, elle se mit à accompagner Barbara. Quant à Carlyle, après être retourné dans son cabinet, il invita l'un de ses employés à se rendre sur le champ la tête de daim, sorte d'hôtel où les magistrats avaient l'habitude de se réunir, et à prier ces messieurs de se rendre chez lui sans délai. Les magistrats, s'imaginant que quelque grave événement était survenu, accoururent à la hâte. « Je ne vous offre pas de siège, leur dit Carlyle, car je ne veux pas vous retenir plus d'un moment. Plus je songe à cet individu que vous venez d'envoyer en prison, moins je me trouve satisfait de votre décision. Je crois qu'il ne serait que juste de considérer de nouveau cette question et je vous invite en conséquence à venir tous les 5 fumer ce soir un cigare chez moi. Cela vous conviendrait-il de fixer notre rendez-vous pour 7 heures ?» Tous répondirent affirmativement et comme ils s'en allaient, Carlyle arrêta par le bras le juge Hare et lui dit à voix basse. « Surtout ne manquez pas l'appel, nous ne pourrions nous passer de vos lumières, car, ajouta-t-il, en indiquant d'un regard les autres juges, qui étaient de quelques pas en avant, « toutes ces têtes ensemble ne valent pas la vôtre. » Le juge R, flatté dans son amour-propre, promit que rien ne saurait l'empêcher de venir. À peine était-il parti que l'on va annoncer à l'avoué que Mademoiselle Carlyle demandait à le voir et que le colonel Battel était également revenu. « Je recevrai d'abord Mademoiselle Carlyle, » répondit l'avoué. « Eh bien, que me voulez-vous, Cornélie ? » dit-il en la voyant entrer. « Ah oui, je vous conseille de me le demander. Vous êtes parti ce matin sans me dire à quelle heure vous désiriez dîner, et je n'ai pas encore donné mes ordres. Je le regrette, mais j'ignorais s'il me serait possible de revenir ce soir. Nous dînerons un peu plus tôt que d'habitude, à 6 heures moins le quart. « Que se passe-t-il donc aujourd'hui, Archibald ?» demanda Mademoiselle Carlyle. « Mais rien que je sache, sinon que je suis fort occupé, et que le colonel Bethel est là qui m'attend. Nous causons plus tard à dîner, si vous le voulez bien. » Au lieu de se retirer, Mademoiselle Carlyle s'enfonça dans le fauteuil destiné au client et se croisa les jambes, mettant ainsi en vue ses pieds les bas blancs qui recouvraient ses fuseaux, car elle ne portait que des jupes courtes et elle avait en profonde aversion la crinoline. « Je vous demande, » reprit-elle en se prélassant, « ce qui se passe et comment et pourquoi vous avez tenu ici même, avec Barbara R., une audience à huis clos. » « Vous n'êtes pas sans savoir, » répliqua Carlyle, après un moment d'hésitation, « que R. et ses confrères vont s'attirer de très grands désagréments pour avoir fait mettre en prison un pauvre homme dont le seul crime est d'avoir cueilli des herbes un dimanche dans le jardin du juge R. » Or, Madame R., sachant que l'individu condamné en avait appelé au ministre d'État et que l'on allait procéder à une enquête, a voulu connaître mon opinion. Tel est le but de la visite de Barbara. Ce soir, nous aurons à cet effet une réunion chez moi. J'ai invité quelques-uns de ces messieurs à venir fumer un cigare. « Je ne les recevrai point, » s'écria Mademoiselle Carlyle. « Croyez-vous que je vais me laisser empester par l'odeur fétide de votre tabac ? Rien ne vous oblige à rester dans la chambre. Ni eux non plus, je vous en réponds. L'on vient de poser des rideaux tout blancs dans la maison. Je ne tiens pas à ce qu'ils soient noircis par la fumée de vos cigares. « Cornélie, » reprit Carlyle d'une voix ferme et résolue, « il le faut, et cela sera. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici d'une partie de plaisir, c'est pour affaire. Si vous ne voulez pas que je reçoive ces messieurs au salon, ils viendront dans ma chambre à coucher. » Le mot « affaire » retentissait toujours agréablement aux oreilles de Mademoiselle Carlyle, car pour elle, il était synonyme d'argent. Carlyle ne l'ignorait point. Il y avait souvent recours pour obtenir l'exécution de ses désirs. L'argent, nous l'avons déjà dit, était l'une de ses passions, et pour aider Carlyle à l'acquérir, elle faisait volontiers des sacrifices, même celui de son entêtement. Carlyle, lui, n'avait pas ce défaut. Il n'était pas avare, bien au contraire. Et plus d'une fois même, par de sages conseils et par une médiation entièrement désintéressée, il avait su concilier des intérêts opposés et mettre un terme à des différends qui, s'il se fût attaché à en attiser le feu, aurait inévitablement donné lieu à des procès très coûteux et par conséquent très productifs pour lui. « Cornélie, » reprit-il avec calme, « si vos rideaux sont enfumés ou noircis comme vous semblez le craindre, je vous en achèterai d'autres. Maintenant, » ajouta-t-il, « il me faut vous congédier. »« Eh bien moi, » riposta Cornélie avec vivacité, « je ne m'en irai que lorsque j'aurai approfondi cette affaire. » « Ah, » fit-elle avec humeur, « vous êtes infâme à toi, Archibald, mais l'on ne m'en fait pas croire aussi facilement. Je vous ai demandé ce qui se tramait entre vous et Barbara, et vous m'avez conté je ne sais quelle histoire ridicule, histoire du reste, qui est tout à fait contraire à celle que m'a relatée Barbara. Tous deux, vous m'avez trompé, il y a là un mystère et il faut que je le pénètre. » Et parlant ainsi, elle se rendit fièrement de toute sa hauteur, se croisa les mains sur la poitrine et fixa sur Carlyle ses yeux étincelants. Cornélie ne possédait aucun des traits de la physionomie de Carlyle, mais son front semblait en quelque sorte moulé sur le sien, un front large et bombé vers les deux angles, qui de chaque côté se perdait dans une chevelure grisonnante. Ses cheveux, ramenés en boucle derrière le cou, étaient en désordre et toujours ébouriffés. Elle avait le visage ovale et allongé, le teint pâle et un regard vif, pénétrant et dur, qui annonçait une grande fermeté de caractère. Une fois qu'elle avait pris une résolution, elle n'en démordait pas, car là, elle le savait. Il ne lui restait donc plus d'autre ressource que de lui avouer toute la vérité. D'ailleurs, Cornélie était une femme sur laquelle on pouvait compter, jamais elle n'eût trahi un secret. « Puisque vous le voulez absolument, » murmura Carlyle, « je vais tout vous dire. Richard Hare est de retour ici. »« Richard Hare ? » répéta la demoiselle avec étonnement et frayeur. Mais il est donc fou. En vérité, on serait tenté de le croire, reprit l'avoué. Il a besoin d'argent. Et c'est pour cela que Barbara était ici tout à l'heure. Et vous dites qu'il est de retour chez lui ? Non, pas chez lui, répondit l'avoué. Il se tient caché quelque part à une lieue d'ici. Cette nuit, il a un rendez-vous avec sa sœur. Afin de faciliter cette entrevue, j'ai cru devoir inviter le père à se rendre ici ce soir avec les autres magistrats. Mademoiselle Carlyle demeurait pensive. Ses sourcils épais et saillants s'écartaient et se fronçaient tour à tour sous l'influence des pensées qui assiégeaient son esprit. « Maintenant que je vous ai tout révélé, continua Carlyle, il faut me laisser seul, car je suis accablé de besogne. » Cornélie se leva et quitta la chambre sans proférer un seul mot. Carlyle prit alors sur son bureau une lettre. La première venue, la mit sous enveloppe, la cacheta et l'adressa à son propre nom. Ceci fait, il appela le vieux Deal et lui remit cette lettre entre les mains. Deal la tourna et la retourna entre ses doigts et demeura tout ébahi en voyant qu'elle était adressée à son maître. « Ce soir, à 8 heures, s'écria l'avoué, vous m'apporterez vous-même ce billet chez moi. Vous comprenez-vous ? » Pour toute réponse, Deal courba la tête et mettant la lettre dans sa poche, il disparut. À 3 heures de l'après-midi, Carlyle rencontra Barbara Hare dans la rue. « Tout est arrangé, lui dit-il. J'ai prié votre père et les autres magistrats de venir passer la soirée avec moi. »« Avec vous ? » fit Barbara toute surprise. « Mais alors, vous ne pourrez pas voir mon frère. Au contraire, et comptez sur moi, » répondit Carlyle en s'esquivant au plus vite.